Dis-moi Hugo, pourquoi tu fais ce podcast? Ouais, j'aurais dû m'en Pour douter. la passion bien évidemment, la Ouais, passion avant tout, ouais. la passion avec des dollars à la place des S, voilà. La passion avec un grand P et un grand Nice. La passion avec un grand portefeuille surtout. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 30e jour du confinement. On dit toujours bonjour à ceux qui savent pas quoi regarder et aux gens qui n'ont pas de second degré. Sinon, ils vont nous niquer nos mères. Et si vous ne savez pas quoi regarder aujourd'hui, ça tombe bien car Ulysse vous conseille Darkman Darkman de de Sam Sam Raimi. Raimi et il se prend pour un super-héros. Who? No foolish heroics, if you please. Is Darkman. They destroyed everything he had. All that he loved. Everything that he was. Donc, le film Darkman, qui fait partie des grands films d'horreur des années 90 avec Zeke Rowe. C'est des films d'horreur indés, hein. Moi, je parle pas des films genre des films à licence, comme les Batman de Tim Burton. Mais du coup, Darkman me fait pas mal penser à Zeke Rowe, mais ça, j'y reviendrai. C'est un film sorti en 1990 qui est un mélange de films de super-héros et un peu film horrifique, avec films d'action, etc. Alors, bref, voilà. Voilà, Sam Raimi, on ne le présente plus, réalisateur notamment donc de la trilogie Spider-Man ou de la trilogie Evil Dead, ou alors de Fantôme contre Fantôme. Non, c'est pas lui, je suis con. Et aussi, futur réalisateur de Doctor Strange 2. Darkman, ça raconte l'histoire de Peyton Westley, qui est un généticien et qui trouve un moyen de faire de la peau synthétique. Donc, c'est une sorte de fausse peau qui s'ajoute au-dessus de la peau pour faire comme un masque, quoi. Et donc sa femme est une avocate et elle a trouvé un document en fait qui révélait certains agissements douteux avec une bande de caïds. Et elle planque le document donc, dans le laboratoire de génétique de son mari, sauf que la bande de loubards se ramène et défigure Peyton. Il le brûle, il le défigure. Enfin voilà, et après ils font exploser le laboratoire. Il sort totalement dégommé, genre la moitié du visage arraché, la peau brûlée, il est méconnaissable. Et donc il ressort de ça et il n'a qu'une seule envie, c'est de se venger. Donc, on est devant un film, là, comme je le disais, qui fait pas mal penser à Zeke Rowe de Alex Proyas, qui est pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma et un de mes films préférés. Regardez Zeke Rowe, c'est un film de super-héros très très grunge qui va vous faire chialer votre daronne et. Si vous êtes fan de musique comme moi, sachez que c'est dans la BO, il y a les Cure, il y a Rage Against the Machine, c'est une dinguerie. Il y a même du Nine Inch Nails. Putain, mais qui a trouvé que le titre, créer un groupe et l'appeler Nine Inch Nails, ce serait une bonne idée. Voilà, bref. Encore une fois, j'en avais parlé il y a quelques jours donc dans mon podcast sur Nightbreed ou Cabal, mais c'est Danny Elfman qui fait la BO. Et lors de mon podcast, j'avais dit que la BO de Nightbreed était ma composition favorite de Elfman, et ça va avec celle de Darkman qui est ma seconde favorite, donc qui est géniale. On dirait un mélange de la musique de Spider-Man, de la musique de Nightbreed et de la musique de Batman de Tim Burton. D'ailleurs, il a fait les trois, donc voilà, c'est du style Elfman poussé à fond. On est devant un film qui a une esthétique très très bonne, qui a des acteurs de fou, genre on retrouve Liam Neeson ou Frances McDormand. Mais yes, franchement, une dinguerie. D'ailleurs, le film est violent en gore, je ne vous conseille pas de le mater avec votre enfant, même si c'est des super-héros, hein, bordel de merde. Le film est également très très années 80, il y a des effets, des incrustations qui sont très voyante et vraiment dégueulasse, mais bon voilà. On a aussi le style Rémy poussé à fond. C'est génialissime. Les acteurs, génialissime aussi. Sauf Liam Neeson qui surjoue un peu de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, il est bon. Mention spéciale aussi à Francis McDormand qui joue super bien. Et qui est pour moi l'un des seuls points positifs de Fargo. Je n'aime pas du tout Fargo. Prenez-le comme vous voulez, je m'en moque. Mais voilà, j'aime énormément Darkman pour son ambiance, pour ses scènes d'action qui sont très très bien foutues. Et ouais, le petit côté années 90 qui fait très très plaisir, mélangé au style de Rémy, c'est fou fou fou. Ah, sachez aussi qu'il y a eu des suites, donc Darkman 2 et Darkman 3, qui sont des directs DVD, qui ont l'air absolument pourris. Et le seul acteur qui revient, c'est l'acteur qui jouait le mafieux. Mais voilà, regarder Darkman, c'est comme regarder un film de super-héros avec Freddy Krueger qui bute des gens. En portant des masques. Oui, je vous ai pas dit aussi, mais du coup, bah, vu qu'il a le visage défiguré, il porte des bandages devant la gueule, il a un chapeau, il a une tenue vachement classe. Et vu qu'il a son truc de peau génétique, et bah, il peut foutre des masques de peau génétique pour se camoufler dans la masse et tout. Et voilà, regardez Darkman, c'est super cool. Du coup, le film est disponible à la location et à l'achat sur Canal VOD, Apple TV, Google Play et YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder Darkman. Et si vous n'avez pas été convaincu, déjà, sachez qu'Ulysse vous emmerde. Oh. Et on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation de film. Ça sera ma dernière d'ailleurs.